chanson de jadis, d'avant, que moi je grandisse, sentait la prime vert. La chanson de jadis, c'était le temps des cerises, les feuilles mortes de Prévert. La chanson d'autrefois, quelquefois, sentait la vanille ou le chocolat. La chanson d'autrefois se chantait en sortant de l'école, sur des chansons d'avant-guerre et d'après-guerre, mais tout premier pas. Sur des chansons de la guerre, ma mère et moi, on a grandi. Des chansons de jadis, d'avant, que moi je grandisse, coûtaient pas bien cher. Quand on ne savait pas vraiment quoi faire, on les écrivait dans un petit carnet. Les chansons de jeunesse de ma mère, d'avant que jeunesse, sentaient les dimanches et les roses blanches, les serments et les feuilles mortes et les feuilles mortes. Sur des chansons d'avant-guerre et d'après-guerre, mais tout premier pas. Sur des chansons de naguère, ma mère et moi, on a grandi. La chanson de jadis, d'avant, que moi je grandisse, se tressait en bouquet, se tressait en panier d'osier, en cerisier rose et en pommier blanc. Sur des chansons d'avant-guerre et d'après-guerre, mais tout premier pas. Sur des chansons de naguère, ma mère et moi, on a grandi. La chanson de jadis m'a conçu pour que je grandisse. Un jour je l'ai su, grâce au carnet de bal trouvé dans une vieille malle, Sur des chansons d'avant-guerre et d'après-guerre, mais tout premier pas. Sur des chansons de naguère, ma mère et moi, on a grandi.